très bon début de soirée. Merci d'écouter Espace à Broglie. Il est déjà 18h. Tout de suite, un nouveau point d'actualité nationale et internationale. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Le gouvernement compte renoncer à une partie des mesures annoncées par Édouard Philippe mi-novembre au début du mouvement des Gilets jaunes au motif que certaines d'entre elles ne s'imposent plus en raison notamment de l'annulation de la hausse des taxes sur le carburant. Dans le budget 2019 en cours d'adoption à l'Assemblée nationale, l'exécutif compte notamment renoncer à l'extension du chèque énergie à 2 millions de foyers supplémentaires. Autre mesure abandonnée, le relèvement du barème kilométrique et le doublement de la prime à la conversion pour les gros rouleurs pour une économie totale de 130 millions d'euros. Après avoir, dans un premier temps, envisagé de faire payer les automobilistes n'ayant pu payer les péages empruntés pendant les mobilisations des Gilets jaunes, Vinci Autoroute a décidé de ne pas appliquer cette procédure de recouvrement différé, a annoncé la société dans un communiqué. La régularisation devait prendre la forme d'un courrier postal envoyé aux automobilistes dont les plaques d'immatriculation ont été détectées à l'entrée et à la sortie des autoroutes gérées par le groupe. Le gouvernement propose une prime exceptionnelle de 300 euros aux forces de l'ordre mobilisées pour faire face au mouvement des Gilets jaunes, selon un amendement déposé aujourd'hui dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances 2019. Cette annonce intervient alors que le ministère de l'Intérieur est confronté à une fronde des syndicats de policiers qui ont pour certains appelé leurs troupes à un mouvement de protestation aujourd'hui et demain. Christophe Castaner doit d'ailleurs recevoir ce soir trois syndicats de police. Adieu les sections habituelles L, S et ES. Les prochaines classes de seconde devront choisir parmi 12 spécialités réparties dans les lycées français. Les établissements devraient dévoiler cette semaine la liste des matières qu'ils proposeront à leurs élèves dès la rentrée 2019, a annoncé le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. La carte de cette répartition était au départ prévue pour janvier, mais devant la mobilisation lycéenne de ces dernières semaines, le ministre de l'Éducation a avancé cette présentation nationale d'un mois. Enfin ce soir, le Paris Saint-Germain effectue son entrée en lice en Coupe de la Ligue et le tenant du titre se rend à Orléans pour l'occasion. Thomas Tuchel devrait inévitablement faire tourner son effectif, l'entraîneur allemand étant par ailleurs privé de Neymar en convalescence. Ludo, 17h-19h. Yes, yes, et dans les prochaines minutes, David Guetta, Say My Name, et tout de suite The Prince Karma avec un Later Bitches. L'after school d'espace. Later bitches. Bitches. la plus normande des radios. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. This room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you run it? You run it. Say My Name sur Espace en Normandie, en Picardie. Merci de nous écouter régulièrement par dizaines de milliers chaque semaine, ce qu'on appelle l'auditoire station, source Médiamétrie, bien entendu, sur la dernière vague. Bah ouais, c'était plutôt pas mal. On est bien d'accord. Et on essaie notamment de vous remercier, forcément, puisqu'on vous offre des cadeaux, notamment avec le Père Noël Espace, et restez bien à l'écoute de cette radio. 18h10, on marque une petite pause, et on se retrouve dans quelques instants avec Julian Peretta et On The Line. Hey on the line. La ville des Andelys et l'Office de la culture et des loisirs des Andelys vous invitent à passer Noël aux Caraïbes. Chaussez vos patins et profitez d'une patinoire de 175 mètres carrés pour vos acrobaties et prouesses artistiques. Les bénévoles vous accueillent sous un chapiteau chauffé du 21 décembre au 6 janvier. Programme des festivités, vendredi 21 décembre à 18h. Rassemblement à la collégiale suivi d'un défilé et d'une animation couleur Caraïbes. Un marché de Noël vous sera proposé du vendredi 21 décembre au dimanche 23 décembre. Samedi 5 janvier à 18h30. Spectacle de clôture. C'est Noël aux Caraïbes aux Andelys, avec Locla et Espace. Tentation by Alexandra. Succombez aux produits de qualité en chaussures et maroquinerie pour hommes et femmes à Gournay-en-Bray. Des petits plaisirs pour tous. Des marques exceptionnelles comme Rieker, Dorking, Requin, Remonte, Mamzelle ou encore Eastpak. Texier, fabrication française et création Anne-Jérôme fait main dans la région. Mais aussi un grand choix de chaussons. Fargeau et semelles flex. Tentation by Alexandra, c'est aussi des parapluies Pierrevaux, ceinture juste taille et tellement plus encore. Poussez la porte de notre boutique et découvrez un univers élégant, convivial et professionnel. Info sur Facebook. 17 rue Notre-Dame à Gournay-en-Bray. Couillez-le,

Bellamy et son spectacle L'univers est grand, le sien est compliqué. On se dirige ensuite évidemment toujours à Rouen, hein, pour Rouen Givré, c'est sur la place de la cathédrale et dans la rue des Carmes avec le marché de Noël, la maison du Père Noël, place de la Grand-Mare, sans oublier la patinoire en plein air et la Grande Roue, place du Vieux Marché, et ce soir à cette occasion des 19h à l'église Saint-Vivien, spectacle Noël hier et aujourd'hui. Et enfin pour finir, du côté d'Honfleur, le marché de Noël, ça débute ce mercredi et ce jusqu'au 6 janvier, tous les jours de 10h à 19h sur la place de l'Hôtel de Ville. Laissez nouveaux messages comme d'hab au 0 950 35 50 50. Passez une très belle soirée avec nous sur Espace. Espace Radio. Baby, a mí me gusta, a mí me gusta, ay, ay, ay. Papi, a mí me gusta, a mí me gusta, ay, ay, ay. Moi, je veux un vrai cante, la vida a la muerte. Ouais, un vrai hombre, Pablo Escobar. Si tu rentres dans ma tête, tu vas pas assumer. J'ai les idées perchées, les idées noires. J'suis parano dans l'âme, j'sais pas m'arrêter. Cherche les embrouilles jusqu'à fatiguer. Si t'as pas les épaules, faut pas te lancer. Qu'est-ce que tu comprends pas, que je négocie pas. Papi, a mi me gusta, a mi me gusta, aye, aye. Papi, a mi me gusta, a mi me gusta, aye, aye. Papi, a mi me gusta, a mi me gusta, aye, aye. Papi, a mi me gusta, a mi me gusta, aye, aye. J'suis un bandido qui me dit mi amore. Gentil garçon, je risque de te faire du tort. J'veux un nègre qui me tienne tête comme un combi. Sinon je vais trop flamber. J'veux un bandido qui me dit mi amore. Casse pas la tête avec des phrases qui m'endorment. J'veux un bad boy qui sache comment me manœuvrer. Sinon je vais trop flamber. On voit des choses et fais-moi rêver. Parle-moi français, parle pas thaïlandais. Si je coupe la wifi, t'as tout gagné. En mode tranquille, c'était Roby avec un Megusta sur Espace. Alors depuis 17h15, on a au moins appelé 15 fois Étienne qui nous écoute à Pont-de-l'Arche, enfin qui nous écoute, qui doit à mon avis travailler à cette heure-ci, parce qu'on lui a au moins laissé 15 messages sur sa messagerie, et visiblement, donc voilà, il nous rappellera plus tard, mais il n'y a pas de problème, mon Étienne, tu repars quand même avec ton cadeau du Père Noël, et tu as gagné un super truc, hein. Un système son à coller derrière ton écran de 6 points, il y a 2 caissons de basse et 4 satellites, voilà, médium aigu, c'est un très très beau cadeau, hein. C'est moi qui suis allé le chercher, je peux te dire que c'est un super beau cadeau. Maintenant, je vous envoie 6 minutes 280 en mode funky mix. Ludo on the radio. Espace. Funky mix. You're wasting your time. miss you too, baby. Well, you know, I know I was wrong. What can I say? What am I supposed to do? Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. Un Give Me The Funk sur Espace en Normandie, Picardie. Oh, je suis un petit peu en avance. Ah, bah oui, c'est normal, puisque je n'ai pas pu joindre Étienne. Forcément, le temps se décale, je suis un peu en avance. Bah oui, c'est normal. 18h29, tout de suite, l'info locale et régionale sur Espace. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie Picardie. Bonsoir à tous. La réclusion criminelle à perpétuité a été requise aujourd'hui devant la cour d'assises de l'Eure contre Denis Manéché. Le père incestueux de 56 ans est poursuivi pour homicide volontaire avec préméditation sur sa fille de 33 ans qui était aussi sa compagne, et pour le meurtre de l'employeur de la jeune femme, le gérant d'un garage à Gisors. Lundi, l'accusé, qui a perdu l'usage de la parole à la suite d'une tentative de suicide le jour des faits en 2014, a demandé par la voix du président de la cour pardon aux victimes. La cour rendra sa décision demain. L'évacuation des ronds-points se poursuit à Saint-Étienne-du-Rouvray. Les gilets jaunes présents sur l'emblématique rond-point des vaches ont été délogés dans le calme ce matin avant de revenir et d'être de nouveau priés de partir. Le rond-point de Saint-Sauveur à Honfleur a également été débloqué. Au Havre, dans le cadre d'une journée de revendication de la CGT pour une hausse du pouvoir d'achat, ce matin, les agents portuaires et dockers ont tracté près de la raffinerie, bloqué l'accès de l'usine Renault-Sandouville ou encore manifesté en centre-ville. Ce matin également, encadré par des gilets jaunes, des élèves du lycée Clément Adair de Bernay se sont rendus en cortège à l'hôpital où la maternité doit fermer prochainement. 4 élus du territoire étaient également présents pour les accueillir. Les élèves ont demandé des explications à la direction qui a justifié la décision par un déficit de moyens en personnel et de conditions de sécurité. Un cortège d'une centaine de véhicules d'auto-école a mené une opération escargot ce matin sur la Sud 3 et en centre-ville de Rouen. Les moniteurs réclament à la préfecture de Seine-Maritime 9 inspecteurs supplémentaires. Chaque jour, il manquerait 100 places à l'examen et les délais d'attente seraient de 4 mois selon les manifestants. Un cambriolage à la voiture Bélier la nuit dernière dans une bijouterie de Sotteville-lès-Rouen. Le préjudice n'est pas encore connu. Le ou les auteurs ont aspergé le sol avec de la poudre d'extincteur pour effacer leurs traces. Et puis un cambriolage a été commis à la maison d'accueil rurale pour personnes âgées Le Beau Soleil à Londinien le week-end dernier. Le coffre-fort a été dérobé. Avec lui, 550 euros et des chéquiers. Un commerçant de Bernay offre le réveillon de Noël à des personnes âgées seules ce soir-là. Jocelyn Ghost, le patron des magasins de la Passion, spécialisé dans les fruits et légumes et la crèmerie, propose aux seniors de plus de 65 ans un repas convivial et une soirée festive dans un restaurant de la ville. Il ne faut pas oublier que Noël, c'est avant tout une fête familiale. Donc avec un restaurateur, on s'est dit on va inviter des gens seuls le soir du réveillon, de façon à ce qu'elles puissent passer un réveillon plus agréable et que ce soit beaucoup plus convivial. C'est vraiment offrir un peu de plaisir et de bonheur un soir où on ne devrait pas se retrouver seul. On envisage inviter entre 6 et 8 personnes. Le repas se fera au restaurant du Clos Normand, c'est en centre-ville. Donc les gens peuvent y aller à pied sans problème. On peut même trouver une solution pour les raccompagner s'il le faut. Puis bon, il y aura probablement aussi des petits cadeaux. Des amuse-bouches à la bûche de Noël en passant par le foie gras, les noix de Saint-Jacques ou encore les boissons. Tout est inclus, un pur acte de générosité qui attend ses bénéfices. Simplement déposer son nom et son adresse dans la boîte aux lettres du Père Noël qui est au magasin. Les magasins de la Passion se situent au 22 bis rue Thiers à Bernay. Enfin, en basketball, en Pro B, les Rouennais accueillent ce soir les Ébruiciens pour un derby au Kind Arena. Et puis, je vous retrouve dans un instant pour faire le point sur les prévisions météo. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie, avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Et puis, côté météo pour demain, ce sont encore quelques belles éclaircies. Le thermomètre à 7 degrés au meilleur de la journée sur Formerie, 8 degrés sur le Pays de Bray ou encore le Neubourg, 9 degrés à Beauvais, le Vexin Normand, mais aussi la vallée de la Seine, Bernay et Pont-Audemer. Bonne soirée à tous. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Température moyenne 6 degrés, alors je vous parle dans les deux régions. Indice de l'air 3 et 4, c'est nickel. Info Atmo Normandie, on attaque cette nouvelle demi-heure avec Benny Blanco et I Found You. If I don't know how to move, I cannot say what I believe in. If I only believe in you, I travel many roads, but I know what road to choose. Now my world is never changing. There's anything I can do, 'cause I found you. I found you, 'cause I found you, I found you, 'cause I found you. I found you, 'cause I found you, I Et merci de nous écouter, notamment entre Évreux et Rouen. À l'instant, c'était Lady Gaga avec Bradley Cooper sur la plus normande et picarde des radios. Laissez-moi encore vos coordonnées, il n'y a aucun problème pour le Père Noël. À chaque fois, voilà, on remet tout dans la caisse et hop là, on fait un tirage au sort chaque jour. 18h40, dans 3 minutes, Boosty avec Forever Young. Painting in a

gamin, je vais l'inscrire dans une émission de cuisine. Parce que c'est le seul mec qui habite en Lorraine et qui est capable de te faire une quiche Lorraine avec une pâte sablée. France 2, Laurent Ruquier est en prime avec un inédit des grosses têtes qui refont l'année 2018. Généralement, c'est quand même un bon divertissement parce qu'il y a des gens cool. Hein. C'est un bon programme populaire. France 3, Alexandra, elle, une série policière avec Julie Depardieu. C'est l'histoire d'un couple qui se promène tranquillement. D'un coup, le mari dit à sa femme qu'il va s'envoler et se lance dans le vide sous les yeux de sa femme horrifiée. Pourquoi a-t-il fait ça? L'enquête va nous l'expliquer. Canal, La promesse de l'aube, un drame français avec Pierre Ninet et Charlotte Gainsbourg. Alors nous sommes en 1950, il y a des beaux costumes, des robes longues, l'ambiance est détendue. Et l'histoire se passe dans une ville du Mexique. Arte, un documentaire, Le Monde selon Jing Jumping. J'arrive jamais à le dire ce truc. Jing Jumping. M6, La France a un incroyable talent, la finale. Eh bien ils ont réussi à donner un nouveau souffle à cette émission. La France a un incroyable talent, la suite, c'est à 23h30, avec des images de la même émission, mais dans le monde entier. Le meilleur de la TNT, C8, ça y est, les grands bêtisiers de Noël débarquent avec un inédit. TMC, 90 minutes, l'enquête, famille nombreuse, des fêtes de fin d'année, taille XXL, là aussi, c'est un classique. Voilà, c'est terminé, on se retrouve demain à la même heure, et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Et maintenant, écoutez un titre que vous n'entendez jamais sur Espace. Jamais. Ça va vous surprendre. Mais Ludo est assez fou pour vous le diffuser. Ok, je vous souhaite une très bonne soirée Rancard pour ma part demain dès 17h. Ciao. No tout le monde, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. C'est le mardi 18 novembre, il est 19h, les infos. L'essentiel de l'actualité

Ils sont incontournables. Sur Espace. Écoutez les meilleurs souvenirs. Laissez-nous vos coordonnées en ce moment même au 0 950 35 50 50 et vous aurez peut-être la chance de devenir les winners de Noël dans le Morning Light et l'After School, sans oublier l'Open Show de la semaine prochaine. Ouais, on vous gâte cette année pour Noël. Les modes souvenirs maintenant, les Bee Gees, Odd et Pizzy en Love. Passez une très belle soirée sur Espace. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to share. Les Bee Gees, Odd et Pizzy en Love à l'instant sur la plus normande et picarde des radios. Bonne soirée, soyez prudents sur les routes. Et on en parlait il y a quelques instants, l'Open Show, notre émission de Libre Antenne un peu déconne, est de retour la semaine prochaine, vendredi 28 décembre de 19h à 21h. J'aurai le plaisir d'animer cette émission en direct avec Louis et Mickaël, alors rejoignez-nous, ça s'annonce énormissime. Allez, 19h30, voici l'actu locale et régionale avec la rédac. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. La réclusion criminelle à perpétuité a été requise aujourd'hui devant la cour d'assises de l'Eure contre Denis Manéché. Le père incestueux de 56 ans est poursuivi pour homicide volontaire avec préméditation sur sa fille de 33 ans qui était aussi sa compagne et pour le meurtre de l'employeur de la jeune femme, le gérant d'un garage à Gisors. Lundi, l'accusé qui a perdu l'usage de la parole à la suite d'une tentative de suicide le jour des faits en 2014 a demandé par la voix du président de la cour pardon aux victimes. La cour rendra sa décision demain.

Sur Espace en Normandie, en Picardie, dans l'Afterwork. Bonne soirée, joyeuse fête. Et rencard à Pont-de-l'Arche pour la quinzaine commerciale avec les commerçants jusqu'à la fin de la semaine. 19h40, la pub avant Gillian Peretta. Écoute ça. Écoute ça. C'est frais. C'est frais. Écoute. You got me on the line. La